Stephen King on the Radio de Christophe Fiat avec Jean-Pierre Calfon. Stephen King on the Radio. Tony. Episode 5. I'm scared. On est dans le Maine, dans l'état de la Nouvelle-Angleterre, à l'extrême nord-est des États-Unis. Marguerite Yourcenar a vécu ici de 1950 à sa mort dans une petite maison sur l'île des Monts Déserts. Mais aujourd'hui, il est question d'un écrivain américain qui habite dans cette même région. Il y est né 3 ans avant l'installation de Marguerite Yourcenar et il a sa maison principale à Bangor sur West Broadway. Il n'est pas français comme elle et encore moins académicien. Il est seulement connu pour ses livres terrifiants et son succès interplanétaire. Au début du 21e siècle, il totalise 200 millions de livres vendus, traduits en 40 langues. Et Bill Warren, un critique de cinéma, l'a même surnommé l'homme le plus célèbre de la Terre. Son nom est King, Stephen King. King, comme le roi de l'horreur. Dans l'épisode précédent, nous avons appris que Stephen King a fait 10 000 km à moto et qu'il a décidé d'écrire directement un scénario pour la télévision, La Tempête du siècle, qui n'est pas un roman mais qui raconte une vraie histoire digne d'un roman et comment son expérience de réalisateur avec Maximum Overdrive lui a permis de travailler efficacement avec la chaîne ABS. Si nous savons tout cela, c'est parce qu'on est le dimanche 19 juin 1999 et que Stephen King est sur une civière dans un hélicoptère. Il vole en direction du Central Maine Medical Center de Lewiston. En effet, comme il a été renversé par un van Dodge de couleur bleue appartenant à un type nommé Brian Smith sur la route 5, Road 5, pas très loin de sa maison de campagne, il a besoin de soins urgents. Il a une jambe cassée à plusieurs endroits et un genou fendu et une fracture à la hanche et la colonne vertébrale entamée en 8 endroits différents et 4 côtes cassées et le crâne entaillé profondément, ce qui nécessite au moins une 30aine de points de suture. Pour le moment, il est intubé et il est sous morphine et dilodide et il entend les pales de l'hélicoptère qui font un bruit épouvantable. Alors, ça le berce et il perd connaissance. En un éclair, il a la sensation qu'il va mourir et une étrange vision lui apparaît. Sa vie se met à défiler comme si c'était un film. C'est un phénomène répandu. Les psychiatres l'appellent « near-death experience », ce qui se traduit en français par « expérience de mort imminente ». La mémoire du sujet repasse à l'envers, les souvenirs autobiographiques à une vitesse ultra rapide. C'est comme si la conscience tentait, une dernière fois, d'échapper au naufrage du corps. Une dernière fois ? Pas vraiment. Parce que Stephen King ne mourra pas aujourd'hui. La preuve, 4 ans plus tard, en 2003, il mettra en scène cet accident dans le 7e volume d'une épopée d'un millier de pages, La Tour Sombre. Il écrira à la 3e personne... Stephen King portait un jean, une chemise de travail en batiste et une casquette de baseball. Il se trouvait bien au-delà de l'intersection de Warrington et de la route 7. Il avait gravi environ 1/4 de la côte. Mais comme nous sommes le 19 juin 1999, des images et des sons, surtout des sons, se succèdent dans la tête de l'écrivain. Un premier souvenir surgit, puis un second et un troisième, ainsi de suite. Stephen King aperçoit un écrivain. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Est-ce Ernest Hemingway, à qui il a emprunté ses expériences viriles d'écriture avec ce qu'il appelle le système de défense Hemingway, écrire égale alcool plus drogue? Ou est-ce Marguerite Yourcenar, l'écrivain français académicienne qui est sur le pas de porte de sa petite maison de l'île des Monts Déserts? Ni l'un ni l'autre. C'est une silhouette indescriptible. On a l'impression d'être dans un tunnel avec elle. La lumière y entre par un trou et de près, on ne voit que son ombre. Alors, peut-être s'agit-il de Richard Bachman ? Qui ? Richard Bachman, l'écrivain fantôme de Stephen King. Il est son portrait exact, sa copie conforme, son double, son alter ego, son reflet dans un écran de télévision éteinte. Comment est-ce possible ? Cette créature existe. Stephen King n'est pas schizophrène. Il l'a inventée de toutes pièces, comme Mary Shelley qui donne à un docteur le pouvoir de reconstituer la vie et de créer un monstre dans son roman Frankenstein, ou comme Stevenson et Bram Stoker qui donnent aux personnages principaux de leurs deux romans respectifs, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et Dracula, le pouvoir de se dédoubler en ingurgitant des substances, drogue, sang humain. Alors, pour bien comprendre qui est Richard Bachman, il faut savoir qu'il tient une grande place dans la vie de Stephen King entre 1977 et 1984. Tout commence avec le succès du roman Shining, qui est son premier best-seller. Stephen King a 30 ans, et il a déjà publié deux romans très remarqués, Carrie et Salem, et une vingtaine de nouvelles. De plus, il a beaucoup de manuscrits à disposition, dont certains racontent des histoires très violentes. Alors, il se demande si, en les publiant sous un nom d'emprunt, ceux-ci trouveraient un public. Tabitha, sa femme, se pose la même question. Comment savoir avec certitude, disent-ils en chœur, que son statut de best-seller est dû à son talent plutôt qu'à son seul nom? La solution est de publier un livre sous un pseudonyme. Ce livre s'intitule « Rage ». Un jour qu'il est au téléphone avec son éditeur de New American Library, il tombe sur un disque d'un groupe canadien de rock originaire de Winnipeg au Manitoba, Bachman Turner Overdrive, BTO, et sur un roman policier de Richard Stark, qui est lui-même le pseudonyme de Donald Edwin Westlake, qui est né en 1933 dans le district de Brooklyn à New York. Alors, en quelques secondes, il s'inspire de l'un et l'autre et décide de s'appeler Richard Bachman. Son éditeur trouve l'idée formidable et Tabitha aussi. Il publie 5 romans sous ce nom. Dans tous ses livres, il s'exprime dans un style noir, pessimiste, cataclysmique. Le tout dans une atmosphère oppressante avec des fins inéluctables et bien plus destructrices que celles des romans qu'il signe sous son vrai nom. Ses livres ont en commun de dénoncer le système éducatif américain qui ne forme pas des citoyens mais des gens normaux. Ça, c'est dans Rage, qui raconte l'histoire de Charlie Decker, qui est un lycéen qui prend sa classe en otage en la menaçant d'un revolver. Et l'esprit de compétition permanent qui prévaut dans l'Amérique ultralibérale. Ça, c'est dans Marche ou Crève, qui raconte l'histoire de Ray Garrity, qui fait une course infernale pendant laquelle les concurrents ne peuvent s'arrêter que 2 fois parce qu'à la 3e, ils sont fusillés par la police. Et les pressions gouvernementales sur les individus. Ça, c'est dans Chantier, qui raconte l'histoire de Barton George Dawes, qui a un fils qui meurt d'un cancer et qui perd son emploi et qui est exproprié de sa maison et qui est quitté par sa femme. Alors, sa vie bascule dans l'horreur et le pouvoir totalitaire des médias. Ça, c'est dans Running Man, qui raconte l'histoire de Ben Richards, qui participe à un jeu télévisé terrifiant parce qu'il vit pauvrement et qu'il en a assez de voir sa femme se prostituer. Richard Bachman apparaît ainsi comme l'incarnation du radicalisme de Stephen King. De livre en livre, la biographie de cet écrivain se constitue. Et, comme Stephen King ne fait rien à moitié, il lui trouve même un visage pour la photo de 4e de couverture de La peau sur les os. C'est Richard Manuel, un proche de Kirby McCauley, son agent littéraire qui se prête au jeu. Mais, en 1984, ce stratagème est découvert par un étudiant. Aussitôt, Stephen King a l'idée de faire mourir Richard Bachman d'un cancer du poumon, avec l'accord de Tabitha et de son éditeur. Et il accepte un entretien avec l'étudiant qui s'appelle Steve Brown. Puis, il décide de publier les œuvres complètes de Richard Bachman en un volume, The Bachman Books, Four Early Novels by Stephen King, ce qui veut dire en français « Les livres de Bachman, quatre romans de jeunesse de Stephen King ». Voici comment Steve Brown raconte sa découverte. Quand j'ai reçu un exemplaire promotionnel de La peau sur les os, je n'avais pas lu plus de deux pages que je me suis dit « soit c'est Stephen King, soit le meilleur imitateur du monde ». J'ai alors commencé à envisager le fait qu'il pouvait s'agir de Stephen King. C'était plus ou moins une sorte de jeu, mais rien de bien sérieux. J'ai pris le métro pour aller à la Library of Congress pour consulter les documents concernant les droits. Tous les livres, à part le plus ancien, étaient enregistrés au nom de Kirby McCauley, un gros indice puisqu'il s'agissait de l'agent de Stephen King. Mais King n'était pas son seul client. Pour en être absolument sûr, j'ai insisté auprès d'une des employées pour obtenir en main propre le document. Elle est revenue et me l'a tendu. Et il y avait écrit « Stephen King, Bangor, Maine ». J'admire et je respecte Stephen King et je n'avais aucun désir de lui faire quoi que ce soit qui lui fasse du mal. Alors j'ai fait des copies de tout et écrit une lettre expliquant mes recherches. Je lui ai dit que je souhaitais écrire un petit article à ce sujet, mais je précisais aussi que si ça posait un quelconque problème, il devait me le signaler et je garderais ça sous silence. J'ai envoyé le colis à King, chez Kirby McCauley, et je m'attendais en retour à ne recevoir qu'une petite note. Deux semaines ont passé, puis j'ai entendu un appel dans la grande librairie où je travaillais. « Vous avez un appel, Steve Brown, Steve Brown sur la ligne 5. » J'ai décroché et une voix a dit « Steve Brown, c'est Steve King. » Ok, vous savez que je suis Bachman, je sais que je suis Bachman. Qu'allons-nous faire à ce sujet? Parlons-en. On a parlé un moment et il m'a donné son numéro, qui se trouvait sur liste rouge, et m'a demandé de l'appeler le soir. Il semblait pas le moins du monde en colère que j'ai découvert. Il était extrêmement amical et il a dit qu'il n'en parlerait à personne d'autre que moi et que mon interview serait la seule longue interview à ce sujet. Ça m'a pris du temps pour trouver un éditeur. Finalement, j'ai publié mon article dans le Washington Post. Depuis lors, ça a fait le tour du monde. Mais ce n'est pas assez pour Stephen King. D'un côté, il publie Misery en 1987 sous son vrai nom, alors qu'il le destinait à Richard Bachman. Ce livre raconte la séquestration d'un écrivain à succès, Paul Sheldon, par une infirmière qui le supplicie et le mutile afin qu'il reprenne la suite de la série de romans populaires Misery Chastain. Et de l'autre, il commence d'écrire un nouveau livre qui raconte l'histoire d'un écrivain en prise avec son pseudonyme qui ne veut pas disparaître. Tout cela suite à une période de blocage d'un an qui est sans doute le contre-coup de toute cette affaire. Il l'intitule provisoirement « Machine's Way », à la façon de Monsieur Machine. Comme son nouveau livre avance très vite, il a beaucoup de réminiscences et il a l'impression de combattre un démon intérieur. Par exemple, il se revoit à l'âge de 10 ans, en 1957, dans une salle de cinéma, le Stratford Theatre, à Stratford, dans le Connecticut. Le film projeté était « Les soucoupes volantes attaquent ». Alors qu'arrive la dernière bobine du film et que les soucoupes volantes se préparent à attaquer Washington, qui s'appelle ironiquement « la capitale de notre grande nation », l'écran devient noir. D'habitude, quand la bobine se casse, les enfants américains tapent des mains et crient « On veut le film, on veut le film !» ou lancent des paquets de bonbons sur l'écran. Mais rien de tout cela n'arrive. Il y a un grand silence. En effet, l'heure est grave parce que quelqu'un a éteint le projecteur et que les lumières se rallument vite. Alors le gérant du cinéma apparaît, l'air pâle et angoissé, et tous les enfants ont peur comme s'il allait leur annoncer une catastrophe. Quand il prend la parole, sa voix tremble. Il dit « Je voulais vous dire que les Russes viennent de placer un satellite spatial autour de la Terre et qu'ils l'ont appelé » Il cherche ces mots. Spoutnik. Alors un enfant crie « Montre-nous le film, espèce de menteur !» et le gérant disparaît et la projection reprend. Ce souvenir est important parce que l'enfance pour Stephen King est l'âge de la peur et des émotions intenses. Ce qui est intéressant pour un écrivain de littérature d'horreur. De plus, ça lui fait comprendre à quelle génération il appartient. Les baby boomers. C'est-à-dire une génération élevée dans une étrange atmosphère de fête foraine, faite de paranoïa, de patriotisme et d'orgueil national, avec la possibilité de se réfugier dans des abris anti-atomiques en cas d'attaque nucléaire des Russes. Mais c'est aussi important parce que le personnage principal du roman, Thad Beaumont, au début du livre, a le même âge que lui quand la projection des soucoupes volantes attaques a été interrompue, 10 ans. Suite à de violents maux de tête dont les signes avant-coureurs lui font entendre les pépiments de 1000 petits oiseaux, la mère de Thad Beaumont l'emmène à l'hôpital. Un médecin fait des examens et découvre que son cerveau possède un œil, quelques dents et une poignée d'ongles, et qu'il ne s'agit pas d'un cancer, mais d'un phénomène de gémellité qui concerne 10% des naissances d'un seul enfant. En effet, Thad Beaumont, quand il était fœtus, aurait dévoré son frère in utero, mais tout n'aurait pas été absorbé, et ce qui reste du frère se serait développé dans son cerveau. Puis, à l'âge adulte, il se marie et il a des enfants, et il devient écrivain à succès comme Stephen King, et il prend un pseudonyme comme Stephen King, George Stark, qui se trouve être justement ce jumeau dont il ne se serait pas débarrassé suite à l'intervention chirurgicale. Sinon que, contrairement à Stephen King, lorsque Thad Beaumont décide de faire disparaître George Stark et de l'enterrer à l'occasion d'un canular, photo à l'appui dans un numéro du magazine People à la page célébrité, son pseudonyme reprend vie et s'enfuit. Sur la photo, il y a Thad Beaumont avec sa femme devant une fausse pierre tombale où est inscrit « George Stark, 1975-1988, un type pas très sympa ». Mais dans la réalité, il y a George Stark qui commet des crimes horribles partout où il passe en laissant les empreintes digitales de Thad Beaumont. Et quand il parle au téléphone, il a aussi la même voix. Ce qui fait que l'écrivain est très vite soupçonné d'être un serial killer. C'est pour cela que Stephen King cherche un nouveau titre à ce roman. À la place de « À la façon de Monsieur Machine », il trouve « La part des ténèbres ». Pour en finir avec son double, Thad Beaumont a recours à l'écriture automatique, c'est le titre du chapitre 18, et au papier et au stylo. On voit Thad Beaumont qui saisit un crayon et qui dit tout bas « À nous deux, ma moitié de ténèbres ». Et George Stark est aussitôt dévoré vivant par les oiseaux qu'il voyait apparaître enfant à chaque mal de tête. Mais qui est Monsieur Machine ? Il est l'esprit criminel de George Stark et le personnage principal de ses histoires. Il est tout à la fois ce qui inspire l'écrivain et le terrifie. Alors, devant tant de problèmes et d'images débridées qui mêlent la vie et la mort, et la création littéraire et le silence, et face à tous ces personnages qui le hantent, Stephen King prend la décision de travailler à un autre livre où il expliquerait enfin à ses lecteurs pourquoi il est écrivain et comment on fait pour vivre quand on écrit des histoires aussi horribles. Ce livre s'intitule « Écriture, mémoire d'un métier ». Ce n'est pas un roman, c'est un essai qu'il commence d'écrire en décembre 1997 par une matinée neigeuse, soit exactement 13 ans après avoir fait disparaître Richard Bachman. Ce n'est pas son premier livre de réflexion sur l'écriture. En 1981, il a déjà écrit « Anatomie de l'horreur » où il raconte, sur un mode encyclopédique, comment la pop culture, le cinéma et l'esprit pionnier américain l'ont nourri et orienté vers une esthétique de l'horreur. Mais ici, il veut privilégier les questions de style. Non seulement il veut comprendre comment fonctionne Monsieur Machine, mais comme il se rend compte aussi qu'à chaque fois qu'il fait une lecture publique ou une conférence dans une université, personne ne lui pose de questions sur le langage, comme s'il était un prolétaire de la littérature avec le sous-genre de l'épouvante et qu'il ne se préoccupait jamais de l'écriture quand il écrivait mais seulement de ses personnages, il veut parler de style. Oui, on lui demande toujours si sa maison est hantée ou s'il a d'autres pseudonymes que celui de Bachman ou, Comment trouve-t-il ses idées ou quand a-t-il commencé d'écrire? Mais jamais. Pourquoi il écrit sans ornement ni sophistication, sans pompe littéraire, pour communiquer simplement l'émotion du moment, mais aussi l'échelle des valeurs de son époque? C'est alors qu'il est victime du terrible accident de voiture du 19 juin 1999, évoqué au début de ce feuilleton et de chaque épisode de ce feuilleton. Après 3 semaines d'hôpital, il rentre chez lui et se remet aussitôt à écrire. S'ensuit une rééducation intense, longue et pénible qui dure 1 an. À cette occasion, il se rend compte de l'attachement de ses lecteurs et de ses fans qui lui envoient une quantité astronomique de mails et de lettres. 6 mois plus tard, il apparaît dans le NBC Show et donne une interview. Entre-temps, il aura rendu visite au chauffard Brian Smith. Pourquoi ? Est-ce pour voir en face l'homme qui a manqué le tuer ? Est-ce pour se venger ? Non. Il veut le voir pour lui proposer de racheter son Van Dodge bleu. Brian Smith accepte. Il ramène chez lui le véhicule et le détruit dans la cour de sa maison de ses propres mains à coups de masse et de batte de baseball. En effet, comme il ne voulait pas que le van tombe entre les mains d'un collectionneur et qu'il finisse sur le site d'enchères eBay, il le fait disparaître en expulsant aussi toute la violence qu'il a en lui. Et comme il a toujours détesté le merchandising, il fait d'une pierre deux coups. Étrangement, cette histoire finit dans un curieux rite de mise à mort d'une automobile où toutes les morts fictives dont Stephen King a affublé ses personnages convergent vers toutes les voitures qu'il a eues, celles de Brian Smith y compris. Les morts par amputation, décapitation, perte de membres ou de fluides corporels, par dévoration, prédateurs multiples y compris animaux et insectes, par maladie, par noyade, par suicide. Les morts entre les mains d'un monstre, les morts bizarres, les morts douces, les morts naturelles, sans distinction, y compris les meurtres et les accidents de voiture. Les voitures, 2 Mercedes, une pour lui, une pour sa femme, une Pinto, un van Chevrolet, une Chevrolet Blazer, une Cadillac décapotable. Mais le pire est à venir parce que Stephen King apprend qu'il est atteint d'une dégénérescence maculaire. Il voit flou, ses yeux se troublent vite, les lignes droites se déforment et une zone sombre apparaît souvent au centre de sa vision. S'il devient aveugle, ce sera irréversible. Il a quand même le temps de finir d'écrire le cycle de la Tour sombre qui comprend 4500 pages. Il travaille dessus depuis 1970. Maintenant, on est le 25 janvier 2003. Il en corrige les épreuves dans sa maison de campagne à North Lovell, pas très loin du lieu de l'accident qui a failli lui coûter la vie, et il dit ça. Je dis seulement que je voulais écrire une épopée et que, d'une certaine manière, j'y suis arrivé. Si vous demandiez pourquoi j'avais ce désir, je serais incapable de vous répondre. Peut-être que ça tient au fait d'avoir grandi en Amérique. Il faut construire toujours plus haut, creuser toujours plus profond, écrire toujours plus long. Fin du dernier épisode. You've been listening to Stephen King on the radio. C'était Stephen King on the radio de Christophe Fiat avec Jean-Pierre Calfon et Yvonique Muller. Prise de son, montage, mixage, Manuel Couturier et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Laure Egorov.